La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Au cœur de France Culture. Vivez avec France Culture. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Dans ses tout premiers cours, Pierre-Auzan Vallon distinguait trois terrains d'exercice de la souveraineté populaire. Les pouvoirs de surveillance, les formes de souveraineté négative et les mises à l'épreuve d'un jugement. Pierre-Auzan Vallon a exploré avec nous, et jusqu'à hier matin, le premier des contre-pouvoirs que le peuple doit mettre en place face aux abus liés au pouvoir est bien connu depuis toujours, le pouvoir de surveillance. Ce matin, dans ce cours consacré aux voies nouvelles de la souveraineté du peuple et qui se propose de repenser les conditions de la démocratie au XXIe siècle, Pierre-Auzan Vallon ouvre le deuxième volet portant sur l'exercice de la souveraineté populaire. Les formes de souveraineté négative. Comment, en effet, empêcher le pouvoir d'agir injustement? Comment exercer un droit de résistance? Tel est l'enjeu du cours que nous écoutons ce matin. Je commence en citant Montesquieu. Il écrit dans l'Esprit des lois, j'appelle faculté de statuer le droit d'ordonner par soi-même ou de corriger ce qui était ordonné par un autre. Et j'appelle, ajoute-t-il, faculté d'empêcher le droit de rendre nul une résolution prise par quelque autre. Cette distinction de Montesquieu entre faculté de statuer et faculté d'empêcher constitue le cœur de la réflexion que je voudrais vous présenter. Les démocraties ont d'abord été travaillées par une tension entre légitimité politique et légitimité sociale qui découlait du fait du conflit de classe. Elles ont été de la sorte structurées par une certaine intégration de leur remise en cause interne dans leur propre fonctionnement, à distance de la vision originelle d'un pouvoir durablement et suffisamment légitimé par les urnes. Le développement d'une opposition politique et parlementaire, c'est un fait du XIXe siècle, structuré, et l'intervention permanente également de voix désobéissantes ou discordantes dans la cité, ont consolidé cette présence de ce qu'on pourrait appeler une souveraineté critique. Il y a là une dimension essentielle de la vie des démocraties qu'il convient de ne pas perdre de vue et dont il convient de faire l'histoire. Faire cette histoire des pouvoirs d'empêchement nous invite à commencer avec les théories médiévales de la résistance et du consentement. En effet, l'idée qu'il n'y a pas de pouvoir légitime sans consentement du peuple est bien antérieure à l'émergence de l'idéal démocratique d'un ordre institué et réglé par la collectivité. C'est dès le Moyen Âge, au début du XIIIe siècle, qu'elle s'impose. Exprimée par la célèbre formule « ce qui concerne tout le monde doit de même être approuvé par tous », en latin « quod omnes tangit ab omnibus approbetur », c'est la fameuse maxime qui a pour initiale quod omnes tangit, QOT. Ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde. Tous les grands auteurs de la période, qu'ils soient philosophes ou théologiens, la consacrent. Mais elle doit être bien comprise. Elle ne s'inscrit pas dans une perspective démocratique moderne. La maxime a en effet alors une connotation constitutionnelle très large. Elle ne renvoie pas à des procédures clairement définies et elle n'implique aucunement la référence à l'idée d'un vote. Elle a essentiellement un sens moral. Elle assigne au prince un impératif de gouvernement au sens du bien commun. Il s'agit avant tout d'affirmer que la collectivité est la source de l'autorité politique et qu'elle en constitue aussi le but. S'il y a une certaine idée de souveraineté du peuple, elle est ainsi purement passive. L'accent est mis sur l'affirmation solennelle d'un principe dans une relative indifférence aux conditions de sa mise en œuvre pratique. Il y a d'ailleurs là une caractéristique générale de la théorie politique médiévale. L'accent est toujours mis sur des principes et presque jamais sur les institutions qui pourraient permettre de les mettre en œuvre. Pour tous ces auteurs du Moyen Âge, c'est la considération et la définition du bien qui importent avant tout. Les conditions de sa réalisation, elles reposent sur les vertus du prince. L'essentiel est dans cette mesure de penser la différence entre les bons et les mauvais gouvernements, de marquer ce qui distingue le prince dévoué à la collectivité du tyran, tyran qui gouverne pour son bien propre, sans tenir compte des besoins et de la volonté de ses sujets. La notion de consentement est importante dans cette mesure. C'est en effet elle qui fournit le critère qui fait la différence pratique entre tyrannie et service du bien commun. La notion de consentement détermine de cette façon une sorte de limite politique. Mais comment tracer cette limite politique? Ce ne peut être que négativement. Le consentement du peuple n'est apprécié que par son absence d'opposition. D'où la centralité des notions de tyrannie et de tyrannicide dans la pensée politique médiévale. C'est en effet d'abord la définition du mal et les conditions de la lutte contre lui qui organisent les représentations du politique. Comme il est absence, perte, destruction, le mal est plus facile à appréhender et à définir que le bien. De Bartholus à Jean de Salisbury, de Marcille de Padoue à Guillaume d'Ockham, le Moyen-Âge va peu à peu forger dans cette direction les grandes lignes d'une théorie politique négative. C'est en ces points d'inversion et de basculement que la politique va être appréhendée. Les régimes vont être pour cela principalement jugés selon le critère de la propension qu'ils ont à dégénérer en tyrannie. Et la préoccupation majeure de la philosophie morale et politique sera, parallèlement, de réfléchir aux actions qui visent à éloigner ce danger. D'où la centralité de la question radicale du tyrannicide. D'où aussi, plus largement, l'importance de la théorie du droit de résistance. La capacité d'empêchement est pour cela le mode d'action qui est alors compris comme celui qui structure véritablement le champ politique. C'est le pouvoir de dire non, la possibilité de révoquer le prince ou des administrateurs qui constituent ainsi les premières modalités jugées légitimes et viables d'une intervention de la société dans le champ politique. Intervention que l'on imagine évidemment que dans des cas limites, car on ne voit pas d'autre motif vital de se mêler de l'action du souverain. Si l'on examine d'ailleurs les revendications qui sont formulées lors des premiers états généraux en France, il est frappant de constater que le droit de récuser certains membres du Conseil du roi, le droit de déposer une régente usurpatrice ou un roi tyrannique, soit aussi souvent mentionné que les droits de surveillance et de contrôle. Il n'y a pas dans les états généraux, dans les premiers états généraux, de demande spécifique de représentation. Mais il y a une formulation de droit d'empêchement et une revendication d'exercice de droit de surveillance. Historiquement, la référence à des pouvoirs d'empêchement a ainsi cheminé parallèlement à la revendication de ces pouvoirs de surveillance. Deuxième étape pour tracer un petit peu l'histoire de ce pouvoir d'empêchement, l'âge de la réforme. La notion de résistance a en effet ensuite été approfondie au XVIe siècle en réaction à la reformulation dans le camp catholique d'une vision absolutiste de la prérogative royale. Afin de se défendre, les partisans de la réforme se saisissent alors des théories médiévales du consentement populaire et du droit de résistance. Ils vont les faire revivre. Calvin va donner le coup d'envoi dans le fameux chapitre 20 du livre 4e de son Institution de la religion chrétienne de 1536. Chapitre qui est consacré au gouvernement civil et qui évoque fortement le devoir de s'opposer et de résister à l'intempérance ou à la cruauté des rois. La réanimation de ces doctrines du droit de résistance a ainsi d'abord un motif religieux, mais elles rejaillissent rapidement dans le champ politique, en Angleterre comme en France. En Angleterre, un John Knox propose une interprétation assez radicale du refus d'obéissance à des autorités jugées liberticides. Dans son Apology for the Protestants de 1557, il s'élève violemment contre Marie Tudor, qu'il accuse d'opprimer les innocents contre toute équité et justice, et en outre de combattre Dieu. Un an plus tard, il sonne encore plus fortement la charge contre une reine jugée idolâtre et tyrannique en appelant à la rébellion. John Ponet, l'évêque de Rochester et Winchester, publie à la même époque, dans un esprit voisin mais intellectuellement peut-être plus puissant, un court traité du pouvoir politique de 1556. En même temps qu'il souligne les limites de l'autorité civile en matière de conscience, Ponet reconnaît au peuple le droit de résister et de désobéir si les gouvernements abusent de leur autorité. Deux autres grandes figures de la religion réformée en Angleterre, Christopher Goodman et George Buchanan, en Angleterre et en Écosse pour le second, multiplient les écrits dans cette direction. Dans son dialogue sur le royaume du droit chez les Écossais, ce dernier, George Buchanan, soutient énergiquement que le peuple a plus de pouvoir que les rois, rois qui ne tirent que du peuple tous les droits dont ils se réclament. Et par conséquent, conclut-il, l'ensemble des citoyens a sur les rois le même pouvoir que ceux-ci ont sur un seul des membres du peuple. Les auteurs anglais et écossais que je viens d'évoquer brièvement donnent au droit de résistance et à l'impératif du consentement populaire une dimension nettement plus politique que les philosophes et les théologiens du Moyen-Âge. Leurs écrits ne sont pas des traités théoriques. Ce sont des instruments d'intervention directe dans les débats et les conflits politiques de la période. S'ils ne se contentent plus d'une appréhension morale des problèmes, il n'y a pourtant pas de véritable pensée constitutionnelle non plus chez eux. C'est le pas en avant, le passage à la théorie constitutionnelle que vont franchir les monarchomaques français. Par ce néologisme, qui signifie littéralement « ceux qui combattent les monarques », on désigne pour l'essentiel les publicistes français et genevois huguenots qui prônent le droit de résistance au gouvernement usurpateur ou liberticide. Publié après les massacres de la Saint-Barthélemy, quelques textes fameux ont donné à ce courant monarchomaque un écho intellectuel considérable. On peut citer le Réveil matin des Français, anonyme, de 1574, le Franco-Gallia de Hotman, de 1574 également, et plus important encore, par son influence, le Vindicier contra Tyrannos, de 1579, qui est attribué à Duplessis Mornay. On peut encore mentionner le très important précis que Théodore de Bèze publie à Genève du droit des magistrats sur leur sujet en 1575. Une longue tradition historiographique a voulu voir dans ces monarchomaques des précurseurs du contrat social. Et ils ont effectivement été amplement réédités dès les premiers mois de la Révolution française. Précurseurs du contrat social, tant ils célèbrent de façon répétitive les droits du peuple et appelle les gouvernements à réaliser le bien public en fustigeant durement les prétentions absolutistes. Leur perspective est pourtant très loin d'être celle d'un Rousseau. Ils n'ont d'abord pas l'idée de souveraineté active du peuple et sont intellectuellement beaucoup plus proches des penseurs médiévaux que du monde de l'individualisme démocratique. Ils sont aussi beaucoup plus modérés que des Anglais comme Knox et ses pairs, et on ne trouve pas chez eux la radicalité de ton qu'il y a chez un Calvin. Tous ces théoriciens huguenots français se sont aussi démarqués avec soin des chefs anabaptistes de la guerre des paysans en Allemagne et des divers soulèvements qui ont marqué les premières années de la réforme dans ce pays. Mais tous ces monarchomaques ont en commun d'avoir cherché à développer une pensée proprement constitutionnelle du droit de résistance. Et c'est pour cela qu'ils nous intéressent. Cette littérature monarchomaque met, sans surprise, l'accent sur le rôle des États généraux. Le Franco-Gallia d'Othmann se présente d'ailleurs comme une histoire constitutionnelle des origines de la France, montrant que les premiers véritables rois du pays, après la fusion des Francs et des Gaulois, d'où le titre du livre, avaient été institués par une assemblée générale représentative. C'est donc de la restauration d'un tel parlementarisme ancien qu'Othmann attend l'organisation structurée et régulière d'un pouvoir de résistance et, simultanément, d'une instance de consentement. Théodore de Bèze suggère de son côté que des magistrats inférieurs, c'est son expression, aient aussi une fonction de contrôle du prince. Par magistrat inférieur, il entend des catégories de nobles de haut sang, c'est son expression, ainsi que des magistrats élus dans les grandes cités. Mais le plus original, et c'est pour cela que son influence était la plus longue et la plus durable, le plus original est l'auteur du Vindicier contra Tyrannos, attribué à Duplessis Mornay. Il envisage en effet la constitution d'une sorte de double pouvoir dans l'État. D'un côté, le pouvoir royal, directement actif, de l'autre, des instances de contrôle, leur réunion pouvant seule former l'administration publique. Duplessis Mornay a donc l'idée d'un pouvoir partagé, ou du moins de pouvoirs complémentaires et articulés. Les mots qu'il utilise sont particulièrement significatifs et nous renvoient à des catégories que nous avons déjà appréhendées. Il parle en effet d'efforts et de contrôleurs publics, qu'il considère comme des tuteurs du peuple face aux monarques. En renvoyant à l'institution lacédémonienne de l'ephorat, qui est familière aux esprits de l'époque, le Vindicier contra Tyrannos ouvre la voie à l'appréhension institutionnalisée d'un pouvoir d'empêchement faisant face au gouvernement actif. Pour nous, aujourd'hui, un autre ouvrage semble émerger de cette littérature. C'est le grand livre de la Boétie, Le Contraint, qui s'est plus tard imposé comme un des plus grands textes français du droit de résistance, texte qui sera réédité régulièrement au XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, au XIXe siècle par les socialistes naissants, par Lamennais lui-même, et encore pendant la résistance de façon clandestine. Mais ce Contraint de la Boétie, qui a d'abord circulé, qui était un grand ami, vous le savez, de Montaigne, qui a d'abord circulé sous forme de publication pirate, éditée par le milieu calviniste. Mais si le Contraint de la Boétie, et je reviendrai sur ce nom dans un cours ultérieur, est la plus grande figure de la notion de résistance, il ne s'est pas penché sur les questions constitutionnelles. Je n'aborde donc pas là cet ouvrage. Quelques années plus tard, dans un contexte intellectuel fort différent, celui de l'émergence des théories du droit naturel, la question du droit de résistance va revenir à l'ordre du jour. Altusius va consacrer un chapitre entier de sa Politica Methodice Digesta de 1603 à développer l'idée. Altusius, dont on peut dire sur ce point qu'il est le principal fondateur de la doctrine du droit naturel. Altusius écrit « Les administrateurs de l'association universelle sont de deux sortes, les efforts et le magistrat suprême. » Altusius creuse donc le sillon de cette vision d'un pouvoir constitué en deux parts, la souveraineté immédiate et les forats. Concernant les forats, Altusius parle d'un pouvoir de limitation et d'empêchement, s'attachant à ce que le magistrat suprême ne soit pas négligent ou inactif, pouvoir devant veiller également à ce que les penchants personnels du souverain ne le conduisent pas à agir au détriment du bien public. Le pouvoir d'empêchement, on le voit, change donc de nature dans cette perspective. Il n'est plus simplement appréhendé comme une intervention limite, une forme de résistance ultime et radicale à un pouvoir lui-même limite, le pouvoir de la tyrannie. Altusius est le premier à l'intégrer méthodiquement dans une architecture ordinaire des pouvoirs, une architecture démocratique moderne même, puisqu'il appelle à l'élection des efforts par le peuple tout entier. Gardien régulier des libertés, défenseur des intérêts du peuple face au magistrat suprême, assurant la régence dans les périodes d'interrègne et également garant du maintien des différents droits dans leur propre sphère d'activité, les efforts d'Altusius ne se limitent donc pas à exercer le droit de déposer un souverain qui serait devenu un tyran. On est vraiment très loin, dans ce cas, de l'ancienne approche médiévale. Altusius marque la rupture et lui annonce bien Rousseau et l'idée de souveraineté démocratique. Mais il innove en rompant simultanément avec la vision défendue par Bodin d'une souveraineté une et indivisible. Altusius est pour cette double raison le premier penseur d'une démocratie dualiste dans laquelle gouvernement et pouvoir d'empêchement concourent ensemble à la bonne gestion de la cité. Continuons l'enquête avec les Lumières. La question des pouvoirs de résistance, en effet, est toujours au centre des préoccupations des philosophes politiques du XVIIIe siècle. Mais cette question est dorénavant appréhendée dans une perspective beaucoup plus franchement constitutionnelle. Elle s'inscrit d'abord dans la préoccupation libérale de déterminer strictement les bornes du pouvoir, mais elle renvoie également à la recherche démocratique des formes les plus pertinentes de la souveraineté du peuple. Et c'est désormais du côté de l'Antiquité romaine que l'on va se tourner pour trouver des modèles susceptibles de nourrir ces interrogations. L'examen du fonctionnement des tribuns du peuple, alors au XVIIIe siècle, amplement servi de référence historique pour réfléchir au pouvoir négatif. Je ne peux bien sûr pas ici développer la question qui serait techniquement très nécessaire d'aborder, mais très longue, des représentations que le XVIIIe siècle avait de l'institution. Il est en effet le frappant de voir qu'il s'agisse du Moyen-Âge, de la Renaissance ou du XVIIIe, qu'il y a très souvent dans les esprits une confusion dans les fonctions que remplissaient les efforts et les tribuns. J'ai mentionné dans le cours sur la surveillance, les pouvoirs de surveillance, les forats, la notion d'effort renvoyant à celle de surveillance. Mais très souvent, à la Renaissance, on pense la catégorie de l'effort comme étant uniquement une catégorie d'empêchement, qui est une méconnaissance de l'institution, mais c'est de cette façon-là qu'elle était alors lue et comprise. Le tribun, c'est celui qui dit « veto intercedo ». Je m'oppose, j'interviens. C'est cette fonction essentielle des tribuns du peuple qui retient l'attention au XVIIIe siècle. Leur pouvoir, résume l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, consistait plus à empêcher qu'à agir. L'encyclopédie méthodique de Démenier note de son côté, les tribuns du peuple étaient des magistrats chargé de garantir le peuple de l'oppression des grands, de défendre ses droits et sa liberté contre les entreprises des consuls et du Sénat. Montesquieu et Rousseau vont consacrer aux tribuns d'importants chapitres de l'esprit des lois et du contrat social. Les dérives de l'institution du tribunat, qui avait fini par usurper la puissance exécutive au lieu de simplement la contenir, ont certes été dénoncées par les deux auteurs. Mais l'un et l'autre ont en même temps été fascinés par ce tribunat qui consistait à constitutionnaliser un pouvoir d'ordre négatif. Un seul tribun pouvait en effet tout arrêter par la seule prononciation du mot « veto ». Ne pouvant rien faire, il peut pour cela tout empêcher, résume Rousseau. Le tribunat n'est point, à proprement parler, une partie constitutive des pouvoirs de la cité. Rousseau a à cet égard une très bonne formule. Il dit « c'est une magistrature particulière qui ne fait corps avec aucune autre ». Mais c'est un pouvoir qui est cependant une condition du bon fonctionnement d'ensemble, dans la mesure, je cite toujours Rousseau, où il aide à replacer chaque terme dans son vrai rapport. Peut-on conserver les bénéfices de l'institution tout en prévenant la possibilité de ses dérives? C'est la grande question que se posera Rousseau. En suggérant qu'un tel pouvoir ne se manifeste que de façon intermittente. Il est intéressant de signaler qu'au temps de Rousseau, la question des pouvoirs négatifs était amplement discutée à Genève. Et lui-même, dans ses lettres écrites de la montagne, qui est une réponse aux lettres écrites de la campagne de Tronchin, qui est une réflexion sur les institutions genevoises, va être un texte de Rousseau qui va amplement mettre l'accent sur les conditions dans lesquelles doit être discutée la façon dont le petit conseil à Genève pouvait s'arroger le droit négatif. Il y a dans cette polémique entre Tronchin et Rousseau des aspects très techniques sur lesquels je ne peux pas m'apesantir dans ce cours. Mais je voudrais au moins signaler qu'il montre l'importance qu'avait au XVIIIe siècle la discussion sur la notion de pouvoir négatif. Si Rousseau s'attache à explorer la possibilité d'un tel pouvoir négatif d'essence démocratique, instrument d'élargissement et de réalisation de la souveraineté populaire, c'est cependant essentiellement dans la perspective d'une régulation de la séparation des pouvoirs que cette négativité a été considérée par les autres auteurs de la fin du XVIIIe siècle. Le terme même de veto change d'ailleurs de sens. Le terme de veto, jusque dans les années 1550 à 1570, est uniquement considéré dans son rapport à l'histoire romaine. Donc c'est un terme qui décrit une procédure de l'Antiquité, de mode d'intervention des tribuns. Et 20 ans plus tard, l'expression « veto » va avoir un sens constitutionnel complètement différent. On va l'utiliser en Amérique, par exemple, comme synonyme de refus qualifié, « qualified negative ». Refus qualifié pour désigner le droit que les pères fondateurs américains vont accorder au président de bloquer l'entrée en vigueur d'un texte adopté par le pouvoir législatif. Veto qui est surmontable par une majorité des 2/3 dans chaque chambre. En France, on le sait, c'est la dénomination, le veto, qui est communément donnée au principe de la sanction royale suspensive des lois accordées au pouvoir exécutif par la Constitution de 1791. C'est dans ce cas, dans la perspective envisagée par Montesquieu, de l'articulation de pouvoir de statuer et du pouvoir d'empêcher, que ces mécanismes américains et français sont explicitement mis en place. Il s'agit donc clairement, dans ces deux cas, de contribuer à un bon fonctionnement de la balance des pouvoirs, avec le souci libéral que ces deux pouvoirs puissent se contenir mutuellement. Mais les révolutionnaires français ne vont pas en rester à cette appréhension du pouvoir d'empêchement. Ils vont aussi le ressaisir dans l'appréhension d'une considération beaucoup plus proche de l'ancienne référence au tribun romain. La question du tribunat va en effet ressurgir en France dès le printemps 1790. Elle est évoquée dans les milieux du cercle social, dans le milieu du club des cordeliers, par tous ceux qui se préoccupent d'enraciner la souveraineté populaire dans des mécanismes plus larges que ceux de la seule représentation. L'abbé Fauché, qui est l'un des commentateurs alors les plus avertis du contrat social, puisqu'il fait au théâtre d'hiver de grandes conférences où assiste au premier rang Brissot, Condorcet, Sieyès, Lanthenat, l'abbé Fauché évoque la nécessité d'ériger un pouvoir modératif élu qui aurait pour fonction spéciale de suspendre des actions ou de suspendre des textes qui seraient suspectés d'être contraires à la volonté générale et qui aurait la capacité d'en appeler au souverain pour trancher. Le but, explique de façon intéressante Fauché dans ce commentaire, est que le tout garde le tout. Le tout garde le tout, c'est-à-dire que le peuple comme totalité doit se garder lui-même en s'incarnant d'une double façon. La vicomterie consacre aussi un chapitre important de son traité démocratique du peuple et des rois à décrire ce que pourrait être de modernes tribuns, des, selon son expression, des gardiens de la souveraineté du peuple, capables de prévenir des tentatives d'usurpation des pouvoirs délégués. Pour lui, ces magistrats devraient être en même temps des températeurs des pouvoirs publics, c'est son expression, et des conservateurs des droits du peuple. La vicomterie est bien conscient, comme Rousseau, des dangers qu'une telle institution ferait courir si elle finissait par retourner sa capacité d'empêchement en une sorte de pouvoir totalisant. Quelle est la solution ? Il reprend alors les mots de Rousseau pour souligner la nécessité de leur indépendance absolue vis-à-vis des pouvoirs constitués. Comment ? En organisant, dit-il, leur impermanence et leur immobilité, de telle sorte que le risque de les voir eux-mêmes abuser de leur pouvoir serait nul. Un pouvoir qui ne soit pas une institution, un pouvoir purement fonctionnel, purement impersonnel. Telles sont les conditions mises par la vicomterie à la mise en place d'un tribunal moderne qui ne dévierait pas de son rôle. Peuvent-elles être satisfaites ? L'expérience révolutionnaire répondra de façon négative à la question. Mais le déroulement du débat constitutionnel de 1793 permet d'en comprendre les raisons indissociablement intellectuelles et politiques, et par là même d'éclairer l'histoire longue de la souveraineté négative. J'ai déjà évoqué dans un cours précédent tous les projets qui ont été élaborés en 1793 et qui avaient pour but d'institutionnaliser un pouvoir social de surveillance des gouvernants. Mais l'idée de constituer un pouvoir d'empêchement est également très présente pendant cette période des débats constitutionnels du printemps 1793. Le projet de Hérault de Séchelles, qui sert de base au débat à la Convention, au débat final à la Convention, en porte la marque. En témoignent les deux articles de son titre « De la souveraineté du peuple ». Article 1. Le peuple exerce sa souveraineté dans les assemblées primaires, c'est-à-dire les assemblées électorales. Article 2. Le peuple nomme immédiatement les membres du jury national. Donc, le peuple, il est immédiatement souverain par son expression électorale dans les assemblées primaires, et en même temps, sa souveraineté, c'est l'élection de ses membres du jury qui vont représenter ce pouvoir d'empêchement. Pour Hérault de Séchelles, tout citoyen peut recourir à ce jury qui vise à sanctionner des actes des pouvoirs constitués et à bloquer leur action, afin, dit-il, de garantir les citoyens de l'oppression du corps législatif et du conseil exécutif. Pour Hérault de Séchelles, un tel jury devait être composé d'un élu par département. Ce n'est donc pas simplement un pouvoir de type libéral qui encadre les autres pouvoirs. C'est véritablement une appréhension bicéphale de la souveraineté du peuple. Mais cette appréhension bicéphale va être rejetée par la Convention. La souveraineté, en ce moment décisif de la discussion constitutionnelle, n'a vraiment pas su se définir en France de façon pluraliste ou dualiste. Elle n'a su se définir que sous les espèces de l'un. La mise en place d'une instance de contrôle qui aurait été élue en même temps et dans les mêmes formes que le pouvoir législatif est ainsi accusée d'entraîner un dualisme qui porterait en lui les germes d'une confusion dommageable, en même temps, disait-on, qu'une dépréciation de la souveraineté du peuple. Un peuple qui s'exprime deux fois est un peuple diminué, entend-on dire, dans les débats parlementaires de l'époque. Vous avez décrété, résume un contradicteur des Hérault de Séchelles, que vous vouliez exercer la souveraineté, mais il est ridicule de vouloir élever à côté d'une première souveraineté une autre autorité supérieure. Robespierre avait été très actif dans cette discussion pour s'opposer à la mise en place d'un tribunal. Que nous importe, disait-il, les combinaisons qui balancent l'autorité des tyrans. C'est la tyrannie qu'il faut extirper. Ce n'est pas dans les querelles de leurs maîtres que les peuples doivent chercher l'avantage de respirer quelques instants, c'est dans leur propre force qu'il faut placer la garantie de leurs droits. Il n'y a qu'un tribun du peuple que je puisse avouer, résume Robespierre, c'est le peuple lui-même. Ces arguments renvoient une fois de plus à la vieille difficulté qu'a le droit public français de penser la souveraineté autrement que comme un pouvoir unique. Toute décomposition ou toute démultiplication de la souveraineté étant mécaniquement comprise comme le vecteur d'un affaiblissement. C'est bien sûr le point de vue contraire que développera très longuement également Condorcet. Condorcet qui a écrit des pages qui comptent parmi les plus importantes sur l'histoire du droit de résistance et les formes constitutionnalisées d'une censure du peuple. Ceux qui, comme Condorcet ou comme Hérault de Séchelles, avaient imaginé la construction d'une souveraineté que je qualifie de complexe, était d'intégrer dans l'organisation des pouvoirs publics une forme de pouvoir négatif. C'est de cette façon qu'ils voyaient une alternative à ce qui leur paraissait être le danger majeur des démocraties naissantes, l'oscillation permanente entre le consentement passif et la révolte éruptive. Et il est vrai que l'histoire de France a été pour une part une illustration de ce qu'ils redoutaient, des cycles de comportements qui faisaient alterner la passivité et l'éruption. Tout l'effort d'un Condorcet a été d'esquisser la forme d'un moyen de résistance qui serait alternatif à l'insurrection. Lorsque le corps social est opprimé par le corps législatif, remarque Hérault de Séchelles, le seul moyen de résistance est l'insurrection. Mais il serait absurde de l'organiser. Il est impossible de déterminer la nature et le caractère des insurrections. Il faut s'abandonner, dit-il, au génie du peuple et s'en rapporter à sa justice et à sa prudence. Mais il est tout de même des cas, poursuit-il, où le corps législatif opprime des citoyens dans des conditions où on peut trouver le moyen d'organiser de façon intermédiaire un moyen de résistance. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que pour la première fois sera évoquée dans la langue française la possibilité d'établir un quatrième pouvoir à côté du législatif, du judiciaire et de l'exécutif. Il y aurait donc un pouvoir d'empêchement, un pouvoir de résistance. Cette question va être discutée de façon centrale pendant toute cette période. Ceux qui vont s'opposer au tribunal, ceux qui vont s'opposer à la formation constitutionnalisée d'un pouvoir de résistance vont défendre l'idée que la seule préservation véritable de la liberté dans la cité, c'est justement l'institution impossible à institutionnaliser, l'insurrection. Que la véritable liberté, elle réside dans ce qui est en quelque sorte le symétrique du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, disait Sieyès, est un pouvoir sans forme. Il ne peut être qu'un pouvoir sans forme. Eh bien, l'insurrection, elle est un pouvoir radical, mais elle aussi est un pouvoir sans forme. Et à ceux qui proposaient d'organiser ce droit de résistance, ce pouvoir d'empêchement, on opposera à l'époque la radicalité de cette vision. Mais ce n'est pas à Paris. C'est à Iéna, sous la plume d'un des grands philosophes allemands de l'époque, Fichte, que la réflexion sur la constitutionnalisation d'un pouvoir d'empêchement va trouver à la fin du XVIIIe siècle, au tournant du siècle, son expression la plus approfondie. Le philosophe consacre ainsi un chapitre entier de son ouvrage « Fondement du droit naturel », qui est de 1796-1797, au projet de mise en place d'un éphora moderne. Cela donne le titre à ce chapitre. Face aux trois pouvoirs constitués, qui sont directement actifs dans leurs domaines respectifs, l'éphora doit constituer pour Fichte, j'emploie, je répète son expression, un pouvoir absolument prohibitif. Un pouvoir qui se définit, je le cite à nouveau, comme ayant pour fonction de contrôler continuellement la conduite de la puissance publique. Le but n'est pas tant pour Fichte de prévoir la possibilité d'une opposition à des décisions particulières. S'opposer à des décisions particulières, cela relève pour lui d'une action de type judiciaire. Par contre, il s'agit d'instituer un pouvoir qui a une capacité de suspension plus globale. L'éphora, écrit Fichte, a pour but d'abolir sur l'heure toute procédure, de suspendre le pouvoir public tout entier et dans toutes ses parties. Il a ainsi la capacité, c'est l'expression qu'il emploie, de décréter un interdit d'État. Cet interdit d'État, Fichte le rapproche de la forme de l'interdit ecclésiastique par lequel l'Église trouvait le moyen infaillible de contraindre ceux qui ont besoin d'elle à lui obéir. La justification d'un tel pouvoir absolument prohibitif a deux fonctions, deux justifications pour Fichte. Il permet d'abord de sortir de l'alternative démocratie directe, démocratie représentative. Entre une démocratie représentative qui risque de se dégrader, pour employer l'expression de Rousseau, en aristocratie élective, et une démocratie directe qui serait de son côté menacée par des embardés démagogiques, autant que par les difficultés pratiques, l'éphora ouvre une troisième voie. Cette troisième voie, c'est celle d'une démocratie que je qualifierais de réflexive. Une démocratie réflexive, c'est une démocratie qui est inscrite dans un travail permanent d'interrogation et de contestation d'elle-même. L'éphora, tel que le décrit Fichte, corrige d'abord les pesanteurs de la démocratie représentative. Si le peuple donne sa confiance au gouvernement en les élisant, il retient toujours de la sorte une possibilité d'intervention et de sanction. Il a bien, pour reprendre cette expression que j'ai déjà plusieurs fois employée, le peuple dispose bien d'une réserve de défiance. Mais l'éphora remédie également aux équivoques de la démocratie directe, en dédoublant d'une certaine façon le peuple. Il est communauté générale abstraite des citoyens électeurs d'un côté, mais il est, d'un autre côté, succession de communautés spécifiques face à des questions déterminées. La mise en place de l'Ephora conduit donc à la formation d'un régime qui est à la fois plus démocratique et plus libéral. Il résout l'aporie du peuple introuvable de la démocratie en lui donnant deux visages et deux expressions distinctes pour mieux l'approcher. Expressions qui ont aussi pour caractéristique, c'est très important pour Fichte, d'avoir chacune leur temporalité propre. Fichte évite aussi du même coup la confusion qu'introduirait une forme de démocratie dans laquelle le peuple prétendrait se réaliser sous la forme de l'un, risquant sur ce mode de se retourner implacablement contre lui-même en étant simultanément juge et parti, maître et sujet. Cette réflexion sur la possibilité d'être à la fois maître et sujet, juge et parti, vous le savez, est au fond la question centrale qui sous-tend le contrat social de Rousseau. Fichte a poursuivi avec cette réflexion sur l'Ephora les intuitions de Condorcet sur le développement d'une démocratie complexe. Mais il en a à la fois radicalisé l'expression et précisé les conditions. Son dualisme démocratique est d'abord plus radical. Il ne consiste pas seulement en effet, comme chez Condorcet, à penser la distinction, j'emploie les termes de Condorcet, entre une souveraineté déléguée, le pouvoir législatif, représentatif, et une souveraineté de contrôle. Ce sont les mots de Condorcet, souveraineté de contrôle, qu'il envisageait Condorcet essentiellement sous les espèces d'un contrôle de constitutionnalité ou d'un pouvoir constituant qui pourrait périodiquement être ressuscité, selon son expression fameuse qu'il avait empruntée à Brissot, dans des conventions. Fichte va radicaliser la question de la division des pouvoirs en la simplifiant. La distinction essentielle, elle est pour lui entre ce qu'il appelle puissance absolument positive et puissance absolument négative. Et Fichte va proposer à cet égard une interprétation totalement novatrice de la division des pouvoirs. Pour lui, l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont en effet tous des pouvoirs actifs, de façon complémentaire. Fichte considère donc que leur séparation n'est qu'apparente, voire fictive. En fait, dit-il, le véritable pouvoir central, le véritable pouvoir actif, c'est le pouvoir exécutif, qui forme un ensemble, avec peut-être des contrepoids, avec peut-être des compléments, mais il forme ensemble et tout cohérent avec les autres pouvoirs. La théorie libérale de la séparation des pouvoirs est donc pour cela relativement inopérante à ses yeux. Elle n'a de sens pour lui que si on se rapproche de la vision de Montesquieu, pour qui en fait la véritable division des pouvoirs doit conduire à envisager la création d'un régime mixte, mais d'un régime mixte qui n'équilibre pas tant les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qu'un régime mixte qui équilibre démocratie, aristocratie et monarchie. On pourrait dire d'ailleurs que cette vision à la Montesquieu du régime mixte comme étant une combinaison de démocratie, d'aristocratie et de monarchie est la vision qui est aujourd'hui représentée par ceux qui défendent une certaine balance entre libéralisme et démocratie. Régime mixte aussi qui correspond à de nombreuses théories dites réalistes du gouvernement représentatif. Pour Fichte, la division véritablement opératoire, elle se situe entre pouvoir positif, l'exécutif, et pouvoir négatif, celui de l'intervention critique autonome de l'Ephora. L'intérêt des développements de Fichte ne se limite toutefois pas seulement à ce point. Il est aussi lié à l'analyse qu'il propose des conditions formelles de la mise en place d'un tel Ephora. Pour Fichte, les efforts doivent être élus par le peuple pour incarner un pouvoir pleinement légitime. Donc, il y a élection d'un double pouvoir, élection du pouvoir exécutif pour faire vite dans sa perspective et élection de l'Éphora. Mais nul ne peut, dit Fichte, se porter candidat à une telle position. Quelle est la différence entre les élections pour le pouvoir actif et les élections pour le pouvoir négatif? C'est que on peut se porter candidat au pouvoir actif, on ne peut pas se porter candidat au pouvoir négatif. Pourquoi? Fichte reprend là le fil d'une longue et classique tradition de réflexion pendant la Révolution française sur le sens des candidatures. Les candidatures, disait-on, sont suspectes car elles favorisent les intrigues. Elles dénaturent l'essence des choix opérés. Celui qui se porte candidat, c'est déjà quelqu'un qui se prétend supérieur aux autres. C'est d'ailleurs pourquoi, pendant l'essentiel de la Révolution française, les candidatures sont interdites. Ce que vise par ce biais, de façon très intéressante, Fichte, c'est à définir une institution qui, comme toute institution pour vivre, doit vivre avec des hommes à sa tête, mais des hommes dont le profit, d'une certaine façon, s'efface derrière l'institution. Des hommes dont le fait qu'ils ne puissent pas être candidats, le fait que leur charge soit limitée dans le temps, le fait qu'ils n'aient pas de permanence dans leur activité, le fait aussi, c'est très important, il reprend une disposition qui était employée dans l'Italie médiévale à propos des podestats romains, le fait que l'on ait une garantie qu'il n'ait aucun lien de parenté, aucun rapport amical, aucune fréquentation avec les citoyens pendant leur charge. Donc, ce sont des hommes, pas des femmes encore à l'époque, des hommes de chair et de sang, mais qui sont définis de telle sorte qu'ils deviennent presque transparents, identifiés à leur fonction. La question clé de l'Éphora, Fichte l'a en effet bien compris, c'est qu'elle puisse exister dans une pure fonctionnalité, qu'elle soit une fonctionnalité sans être véritablement un pouvoir. Voilà la difficulté que nous avions d'ailleurs également rencontrée à propos de la définition du pouvoir de surveillance. Un pouvoir qui n'existe comme pure fonction, voilà la définition et la condition qui est impliquée si l'on veut organiser des formes de démocratie dualiste. Come to quake up the week or plan. Tell us if we'll play Mr. Music Man. C'était Éloge du Savoir, aujourd'hui le Collège de France avec Pierre Auzan-Vallon. Réalisation Thomas Duterre, présentation Christine Goémé. I are the great and you are a bald head. I praise the living and you praise the dead. I are the Nazi dead. Wow! I are the Nazi dead. For when I dolly from the scene and the ice stolen bean, a figure check my little queen called Jasmine. And this game of Babylon to stick up my man. Me up to jump on the wall and the children in my ball. Ladies and gentlemen, this is the act where we put Nadine in the suitcase. We must prepare the body. France Culture présente Rain, comme une pluie dans tes yeux, le nouveau spectacle du cirque Éloise au théâtre du Trianon à Paris du 28 mars au 21 mai. That suitcase. Emblématique du nouveau cirque contemporain, cette troupe québécoise propose un moment de théâtre acrobatique et poétique en abordant la thématique des émotions et des souvenirs liés à l'enfance. Oui, une création mise en scène par Daniel Finzi-Pasca pour le cirque Éloise du 28 mars au 21 mai avec France Culture. Un événement présenté dans le cadre de Francophonie, le festival francophone en France. France Culture présente les 13 riches heures de la cour de Chine, 1662-1796, chef-d'œuvre de la peinture impériale des Qing, une exposition présentée du 26 avril au 24 juillet au Musée des Arts Asiatiques Guimet à Paris. De 1662 à 1796, le règne des trois empereurs, Qin Gangxi, Yongzheng et Qianlong, constitue un des grands moments de l'histoire de la Chine. Pour célébrer le 5e anniversaire de sa réouverture, le musée Guimet déploie un ensemble exceptionnel de rouleaux peints, dont certains mesurent jusqu'à 16 mètres, commandes impériales uniques, formant un véritable panorama de la Chine des 17e et 18e siècles. Les très riches heures de la cour de Chine, chef-d'œuvre de la peinture impériale des Qin, du 26 avril au 24 juillet, au musée Guimet à Paris, avec France Culture. France Culture présente Face de cuillère, une pièce de Lee Hall, traduite par Fabrice Melchillo et mise en scène par Michel Didine, du 26 avril au 20 mai au Théâtre des Abbesses à Paris. Incarnée par Roman Bouringer, Face de cuillère se raconte l'histoire d'une jeune fille au physique disgracié que la maladie ne fera pas vieillir. De cuillère, une création du Théâtre des Abbesses, du 26 avril au 20 mai, avec France Culture. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire, à l'occasion des 60 ans du vote de la loi dite Marthe Richard, fait retour sur la prostitution. Et ce matin, mémoire de groupe sur le NI, association d'aide aux personnes prostituées et d'abolition de la prostitution, créée en 1946 par le père André-Marie Talvas, association toujours active aujourd'hui. 10h, le temps des humanités, c'est aujourd'hui celui des mardis littéraires avec une émission spéciale John Berger, entretien avec l'auteur à propos de son dernier livre « D'ici là » aux éditions de l'Olivier. 11h, fiction, feuilleton, les Mayas, roman d'une famille portugaise de Eça de Queiroz, deuxième épisode. Enfin, 11h30, les chemins de la connaissance, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Freud, invite des psychanalystes pour une lecture critique des 5 psychanalyses de Freud. Deuxième cas, le petit Hans et son fait pipi, analyse d'une phobie chez un petit garçon de 5 ans, avec Éric Laurent, psychanalyste. Mais tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas de Morand. Bonjour à tous, bienvenue sur France Culture, mardi 2 mai 2006, il est 6h58. Au programme de la matinale aujourd'hui, un premier rendez-vous à 7h20 avec les enjeux internationaux. 3 ans après l'annonce officielle de la fin de la guerre, l'ampleur et la diversité de la conflictualité en Irak. 7h40, invité de la matinale aujourd'hui, le sociologue Michel Vievorka, pour parler justement de la sociologie. Un grand colloque ouvre ses portes demain à Paris, il est organisé par le CADIS. Le CADIS, ça veut dire Centre d'analyse et d'intervention sociologique. C'est un laboratoire commun à l'EHESS et au CNRS. Ce colloque réunira de très nombreux chercheurs pour faire le point sur la sociologie, mais sur les autres disciplines également des sciences sociales. La sociologie qui est toujours l'objet de polémiques, polémiques permanentes, controverses théoriques. Les premières sont parfois intéressantes, les secondes toujours fécondes. Le colloque du CADIS apportera à coup sûr de très nombreux éclairages sur le sujet. Avec Michel Vievorka, on va également parler du type de discours que la sociologie porte sur la société. La sociologie, est-ce du journalisme scientifique, du journalisme bien fait? Est-elle, comme le disait un film sur Pierre Bourdieu, un sport de combat, un sport rude, violent, radicalement politique? La sociologie est-elle fondée sur une bonne définition de la société? Vous vous souvenez peut-être de la charge très violente du philosophe Bruno Latour dans son dernier livre, il était notre invité il y a quelques semaines, une charge justement contre toutes les définitions du social et de la société qui sont au cœur de la sociologie. Il faut changer tout ça, disait en substance Bruno Latour. retour pour pouvoir repenser à nouveau le social et pour pouvoir refaire de la sociologie. Voilà, ces questions sont importantes et elles excèdent de loin le tout petit cercle des spécialistes. Elles engagent en grande part notre regard sur le monde et quand on voit le nombre de sociologues gravitant autour du pouvoir politique, on comprend qu'il y a là aussi une question de démocratie. Tous ces sujets, voilà, c'est le retour à l'antenne aujourd'hui, tous ces sujets donc avec Michel Wieworka tout à l'heure. Il est 7h. Et le journal vous est présenté par Jean-Louis Crimon. Bonjour, la longue journée d'explication du Premier ministre, Dominique de Villepin, doit dès ce matin s'expliquer en détail sur son éventuelle implication dans l'affaire Clearstream. Ce sera chez nos confrères d'Europe 1 et au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Dans son édition de ce mardi, Le Figaro verse au dossier un nouvel élément d'importance avec le démenti formel, catégorique du général Rondeau. Jamais je n'ai été chargé d'enquêter sur Nicolas Sarkozy. Décryptage dans un instant avec Claire Chaudière, Sonia Bourhan et Françoise Degois. Le début de l'examen du projet de loi immigration et intégration, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte de Nicolas Sarkozy a pour ambition de favoriser, vous le savez, l'immigration choisie, au détriment de l'immigration subie. Explication Omar Waman. La remise aujourd'hui également au président de la République du premier rapport annuel de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. C'est dans le domaine de l'emploi où les plaintes sont les plus nombreuses, analyse Olivier Denré. Enfin, en Israël, Ehud Olmert vient de constituer son cabinet de coalition en s'assurant une majorité confortable de 67 députés sur les 120 que compte la Knesset. Détail des principaux portefeuilles en fin d'édition avec Nadine Epchen. Une journée délicate et même difficile pour le Premier ministre en ce mardi 2 mai. Dominique de Villepin va devoir faire face à de multiples rendez-vous politiques au moment où, à gauche mais aussi à droite, on évoque de plus en plus sa démission en raison, vous le savez, de l'affaire Clearstream. Dans un peu plus d'une heure maintenant, le Premier ministre sera dans les studios d'Europe 1 pour une première et longue explication sur sa position. Dans un article publié ce matin par notre confrère Le Figaro, le général Philippe Rondeau dément formellement avoir été chargé par Dominique de Villepin d'enquêter sur Nicolas Sarkozy dans cette affaire Clearstream. Ancien conseiller du ministère de la Défense pour les questions de renseignement, le général Rondeau déclare dans cet entretien au Figaro que les enquêtes se sont limitées à d'anciens fonctionnaires et que Nicolas Sarkozy n'a jamais été pris pour cible. Le général Rondeau concède avoir inscrit les mots « fixation Sarkozy méfiance » en marge d'une note de synthèse rédigée à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre le 9 avril 2004, mais il souligne que ces mots « fixation, Sarkozy, méfiance » ne sont que des réflexions personnelles et en aucun cas une instruction du Premier ministre à enquêter sur Nicolas Sarkozy. Claire Chaudière. Le général Rondeau revient sur cette fameuse note, ces quelques mots qu'il avait écrits à l'issue d'une réunion avec Dominique de Villepin. Fixation, Sarkozy, méfiance, des mots qui pourraient vouloir dire que l'actuel Premier ministre a clairement demandé aux spécialistes des renseignements d'enquêter sur le patron de l'UMP. Le nom de Nicolas Sarkozy a bien été prononcé par Dominique de Villepin, concède le général Rondeau aux journalistes du Figaro. C'était le 9 janvier 2004. D'ailleurs, le président du groupe EADS, Jean-Louis Jargorin, a assisté à la rencontre, mais ces trois mots notés à l'issue de l'entretien, explique-t-il, ne sont que le fruit d'une réflexion personnelle et non d'un ordre d'enquêter. Le général Rondeau va même plus loin. L'affaire Clearstream, c'est au départ l'histoire d'un corbeau, d'un manipulateur qui aurait cherché à salir certaines personnalités politiques. Et sur cet aspect du dossier, le général déclare « Jamais je n'ai manipulé de liste pour faire apparaître le nom de Nicolas Sarkozy ». La journée promet donc d'être rude pour Dominique de Villepin, qui va devoir s'expliquer sur le rôle qu'il aurait joué dans cette affaire et surtout faire face à toutes ces voix qui commencent à s'élever pour réclamer sa démission. Sonia Bourhan. Il y a un moment où il faut dire la réalité des faits, explique une conseillère de Matignon pour justifier le choix du Premier ministre d'intervenir dès ce matin à la radio. Dominique de Villepin aurait pu attendre d'être à l'Assemblée pour s'exprimer, mais il y a urgence pour lui à parler, à se défendre, comme pour tenter de désamorcer les critiques. Son argumentaire sera le suivant, il y a des faits, une réalité qui ne sont pas comparables avec des rumeurs ou des articles de presse. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de preuves, pas de documents officiels, dira Dominique de Villepin. Démissionner, bien Bien sûr que non, répond à l'avance son entourage. Pourtant, la question reviendra toute la journée. Ce matin, le Premier ministre reçoit une délégation de présidents de région à Matignon. Puis il sera devant le groupe UMP à l'Assemblée où ce sera difficile de convaincre une majorité qui doute de plus en plus. L'après-midi, il sera assailli par les questions de l'opposition. Enfin, il tiendra un séminaire gouvernemental en soirée, histoire de montrer qu'il reste au travail. La marche normale du gouvernement ne s'interrompt pas, affirme sa conseillère avec une assurance à toute épreuve, même si cette journée n'aura rien de normal pour le Premier ministre. À gauche, au Parti Socialiste.